Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, je vous dresse un bref portrait d'Aerdal, auteur français de science-fiction qui s'est converti au thriller depuis quelques années. Aerdal, de son vrai nom Marc Soulier, est né en 1959 près de Lyon, à la Croix-Rousse pour être exact. Autodidacte, il doit à la banlieue HLM où il a grandi, le choix d'avoir été 5 ans animateur socioculturel. Réfractaire à tout autre enseignement que sportif, il a failli être footballeur professionnel, enseigner le ski et se passionne maintenant pour le tir à l'arc. Il a exercé de multiples métiers avant de décider en 1988 de se consacrer exclusivement à l'écriture. Arpenteur inlassable des régions vinicoles, il a un penchant marqué pour le cri des pneus dans la montagne. Il cultive la joie de vivre avec sa femme, M. Chat et Bonheur, dans une ancienne ferme en bordure du Dauphiné et du Lyonnais. Aerdal est tombé très jeune dans la SF. Son père, Jackie Soulier, détenait une des plus grandes collections d'ouvrages de SF en Europe et a écrit 3 ouvrages, dont 2 en collaboration. L'un avec William Camus, Le péril vient de la terre, 1982, édition Bordas. L'autre, avec Christian Grenier, La science-fiction, J'aime, un guide de la SF pour la jeunesse, publié en 1991, édition de La Farandole. Aerdal dit avoir été influencé par Norman Spinrad, Frank Herbert et John Varley. En 1990, paraissent coup sur coup chez Fleuve Noir Anticipation les 4 volumes composant le cycle de La Bohème et Livret, soit Il vint, Rêve de vie, Mad, Concerto pour Salmen et Bohème, La Naïa, Hors limite, et Élie, l'esprit miroir. Voici un extrait du volume 1. La pierre était fraîche, sous la soie du sarroual, délicieusement fraîche. Elle se jouait de la tiédeur de son corps et de la brûlure du soleil, comme si elle refusait d'afficher une température qui ne fût pas la sienne. Été comme hiver, elle maintenait ses 18 degrés. Les ondes de chaleur stagnaient à quelques centimètres de sa rugosité. La glace n'y avait aucune prise. La pierre de Mive traversait les siècles de sa seule obstination à n'être qu'elle. Il fallait la conserver des semaines entières au zéro Kelvin ou des heures au cœur d'une étoile pour que, d'une seule déflagration, elle volât en atomes. La pierre de Mive était vivante. On pouvait la sculpter, la façonner, la tailler, la recouvrir, la broyer. On pouvait la tuer, mais jamais courber son isothermie. En 2000, Fleuve Noir réunit les 4 tomes du cycle pour les offrir en un seul volume sous le titre « La Bohème et Livret ». Omnibus qui fut repris en mars 2010 chez Au Diable Vauvert. L'année suivante, toujours dans la collection Anticipation du Fleuve Noir, Aerdal faisait paraître les 3 tomes du cycle Mittal. Promesse d'île, Honneur de chasse et Le choix du Xine. Ces 3 volumes sont réunis et publiés en 1997 sous le titre Mittal chez J'ai lu. Toujours en 1991, paraît un 4e roman chez Fleuve Noir. Demain, une oasis. Demain, une oasis sera réédité une première fois chez Fleuve Noir en 1993, chez J'ai lu en 2000 et chez Au Diable Vauvert en 2006. En 1992, Aerdal sort les 2 volumes composant Le Chant du Drille chez Fleuve Noir Anticipation, soit Le Syndrome des Baleines et Le Mystère Liffine. Comme pour les précédents, ces 2 volumes seront réunis et formeront un seul volume sous le titre Le Chant du Drille en 2003 et en 2009 chez Au Diable Vauvert. Toujours en 1992, sort Sibionde chez Fleuve Noir Anticipation. Sibionde sera réédité en 2000 et 2002 chez J'ai lu. Aussi en 1992, on peut lire une nouvelle d'Aerdal dans le numéro 14R de Planète à vendre. En 1993, chez J'ai lu, paraît L'Histrion, volume 1 de Dame, qui sera réédité en 1999 et en 2004 chez J'ai lu. Tous ceux qui le connaissaient évoquaient Genesis comme un ordinateur doué d'une conscience intelligente, mais les Taj Rahman savait que rien n'était plus inexact. Genesis n'était pas une machine, et encore moins un outil informatique. Genesis était vivant, c'était l'organisme le plus complexe de la galaxie. Dans cette galaxie grouillante d'états et de communautés aux intérêts si divergents, Genesis, la créature monde, essaie de fédérer l'humanité sous la bannière de Dame. Pour seul outil, il dispose de l'Histrion, dont l'unique fonction est de jouer les troubles fêtes. Et pour l'Histrion, il a choisi un ou une sexomorphe, individualiste farouche, qui déteste le pouvoir et n'a pas été consulté sur ce rôle qu'on veut lui voir tenir. Deux nouvelles de l'auteur voient le jour cette année-là. Vieillir d'amour et l'adieu à la nymphe. La première paraît dans le numéro 23 de « Nous les Martiens » et sera rééditée dans « La logique des essaims » puis dans « Chasseurs de fantasmes » chez Griffe d'encre en 2009. Et la deuxième dans « Planète à vendre » numéro 17R et sera rééditée dans « Le futur a déjà commencé » chez les Brio en 2000 puis dans « La logique des essaims ». C'est également en 1993 que Heyerdahl se mérite le Grand Prix de l'imaginaire, catégorie roman, pour « Demain une oasis ». Politane, la suite de Sibionde, paraît en 1994 chez Fleuve Noir Anticipation et sera réédité en 2000 et 2003 chez J'ai lu. La même année, Heyerdahl sort deux romans directement chez J'ai lu. D'abord, « Ballade coréale », qui sera repris chez J'ai lu en 1999, puis chez Au diable Vauvert en 2009, et la suite de l'Histrion intitulée « Sexomorphose ». En 1996, Heyerdahl se fait anthologiste et fait paraître Genèse chez J'ai lu. On y trouve des nouvelles de Francis Carsac, Elisabeth von Arbour, Jean-Marc Ligny, Jean-Claude Duniac, Pierre Bordage, Serge Lehmann, Bernard Werber, Jean-Louis Trudel, Richard Canal et Heyerdahl. L'anthologie connaîtra une nouvelle édition l'année suivante. Outre la nouvelle Reprendre ses volets, qu'il insère dans son anthologie, il en signe une deuxième cette année-là, qui sort dans le numéro 3 de Galaxy. Ces deux nouvelles seront reprises dans La logique des essaims. Par l'heure où les chroniques d'un rêve enclavé paraît chez J'ai lu en 1997. Le roman sera réédité une première fois chez J'ai lu en 1999 et Au diable Vauvert en 2003 et 2009 sous le titre Chronique d'un rêve enclavé. On peut également lire trois nouvelles d'Heyerdahl en 1997. Jusqu'ici, tout va bien, qui sort dans le Libération spéciale science-fiction et qui sera réédité dans La logique des essaims. Apoptose, dans le numéro 7 d'Ozone, et Aller simple, qui paraît une première fois dans Aller simple pour l'infini, chez la Bibliothèque publique d'information, puis dans Pouvoir critique, chez Nesti Vignen, en 2002. En 1998, chez Baleine, notre auteur fait paraître Conscience virtuelle. Deux nouvelles voient également le jour. D'abord, Saint-Immant, que l'on retrouve dans Escale sur l'horizon, chez Fleuve Noir, et qui sera réédité dans SF 99, les meilleurs récits de l'année, chez Bélial en 1999, dans 1950 à 2000, la SF française, chez Les Brions en 2001, dans La logique des essaims, et dans Nouvelles des siècles futurs, chez Omnibus en 2004. Et Ce que taisent les miroirs, dans Science-fiction, Agenda 1999, chez Eden. C'est également en 1998 que Heyerdahl se mérite le prix Ozone du roman de fantasy francophone pour Parleur ou les chroniques d'un rêve enclavé. Étoile mourante, qu'il a écrit avec Jean-Claude Duniac, sort chez J'ai lu en 1999, qu'il le rééditera en 2002. Nous regardons les autres rameaux comme s'ils étaient des blocs uniformes, au lieu de considérer chacun de leurs membres. C'est une forme de racisme aussi primaire, méprisante et vicieuse que celle que le mécanisme enseigne à chaque enfant mécaniste. Il est grand temps de s'apercevoir que ce qui divise les rameaux tient moins de leurs différences que de leurs similitudes, dont le racisme et l'autosatisfaction sont les pires exemples. Quand les animaux vils ont surgi dans le système solaire pour héberger les humains, ils leur ont aussi permis le voyage instantané. Alors, l'humanité s'est scindée en quatre rameaux. Autant de cultures, autant de modes de vie, autant de systèmes politiques qui se méprisent faute de pouvoir se faire la guerre. Aujourd'hui, l'heure des retrouvailles a sonné. Les animaux vils ont décidé de convoyer des représentants de chaque rameau pour assister à l'explosion d'une supernova. Pareil également, l'homme aux semelles de foudre chez Flammarion. Voilà la nouvelle, on peut lire Jesse le retour dans Jour de l'an 1000 chez Nassim Vicknin. La nouvelle sera reprise dans La logique des essais. Cette année-là, avec Jean-Claude Uniac, Heyerdahl se mérite le prix Tour Eiffel pour Étoile mourante. Une seule publication pour notre auteur en 2000, une nouvelle, Jeu de con, que l'on peut lire dans le numéro 11 de Science Fiction Magazine. Elle sera reprise, comme la plupart de ses courtes fictions, dans La logique des essais. En 2001, on voit sortir chez J'ai lu le volume 3 de Sibionde, Kill Sam, Jaanik. En Jaanik, on chante le reggae, on boit du rhum, on joue au football et on fume la ganja. Parfois aussi, on assassine un ministre ou on fait sauter un commissariat. Tout ça est cependant un peu réducteur. C'est en tout cas ce que pressent Ilya Nam, sans comprendre vraiment quelle raison pousse l'agent Sender à s'intéresser à cette jeune et fragile république sans histoire. Encore qu'il paraisse normal que la sueur des constitutions de mille mondes envisage de garantir la démocratie jamaïcaine, après tout, c'est sa vocation. Mais quel but poursuivent alors ceux qui s'obstinent à lui mettre des bâtons dans les roues? C'est aussi en 2001 que paraît son recueil de nouvelles, La logique des essaims, chez Imaginaire sans frontières, et qui sera repris en 2004 chez J'ai lu. 2 ans plus tard, soit en 2003, J'ai lu sort le tome 4 de Sibionde, L'œil du Spad. Transparence, un trailer, paraît chez Au Diable Vauvert en 2004 et sera réédité chez le même éditeur en 2005 avant d'être pris chez Le Livre de Poche en 2006 et 2007. L'amateur de SF n'a qu'une nouvelle de l'auteur à se mettre sous la dent cette année-là. Le réveil du croco, que l'on trouve dans Les ombres de Peter Pan chez Mnemos. En 2005, Heyerdahl nous offre 3 nouvelles. Loin sans départ, qu'il a écrit avec Fred Odam, et que l'on peut lire dans le numéro 36 de Galaxy. Dépossession, paru dans Noir Scalpel chez Le Cherche-Midi, et La complexité et ses avatars, que l'on retrouve dans Espace 1, l'expérience du récit scientifique chez CNES, Observatoire de l'espace. C'est aussi en 2005 qu'il remporte le Grand Prix de l'imaginaire pour Transparence. Une seule nouvelle en 2006, Les Seigneurs de la Firme, qu'il a écrit avec Éric Servos, et qui paraît dans Elric et la Porte des Mondes chez Fleuve Noir. Longue absence, puis en 2010, Heyerdahl offre la suite de Transparence avec Résurgence chez Au Diable Vauvert. Et voilà, l'ensemble des romans de SF et fantasy d'Heyerdahl semblant avoir été repris par Au Diable Vauvert, voici l'adresse internet de cette maison. www.audiable.com. Merci de votre attention. À bientôt.